vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Aussi, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Comme moi, je vais te manquer. Mais moi, c'est pour de vrai. Sarah, tu vas me manquer. Et moi, je vais pleurer. Le temps va défiler. Tu travailles en juillet. On ne se reverra jamais. Et les vacances vont passer. Et les vacances terminées. Et les vacances vont passer. Et la rentrée commencer. Et tu vas m'oublier. Et mon souvenir oublier. Et nos souvenirs oubliés. Tu me verras à la télé. Je serai interviewé. Et là, je raconterai qu'étant jeune au lycée, j'étais pauvre et frustré. Mais j'ai aimé une fille belle comme l'été. Et là, tu te reconnais. Tu t'en voudras à en crever. Mais je ne suis pas rancunier. Même connu, je t'attendrai. Sarah, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer. Aussi, tu vas me manquer. Sarah, tu vas me manquer.